Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio entièrement consacré aux arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland au micro, accompagnée de Gentiane La France. Bonsoir, Gentiane. Bonsoir, Myriam. Alors, ce soir, on va débuter avec une longue entrevue. J'ai pris le temps de m'entretenir avec Guy Sioui-Durand au sujet de son exposition. Ben, c'est l'exposition dont il est commissaire, donc cette exposition qui s'intitule Kakakewo, donc qui est présentée à la galerie Alexandre Motulski-Falardeau depuis le 14 février. Et puis, c'est une exposition qui rassemble des œuvres d'une vingtaine d'artistes des Premières Nations, donc qui s'étendent là, du Québec jusqu'à l'Ouest canadien. Guy est un conteur fabuleux, donc il nous raconte toute l'histoire de son exposition. Et en deuxième partie d'émission, c'est la chronique de Cassandra Graham, Myriam. Oui, exactement. Donc, Cassandra a pris le temps de rencontrer l'artiste Isabelle Falardeau, qui présente une exposition au Centre Regard, où elle a d'abord fait une résidence d'un mois. Donc, l'exposition s'intitule « Construire » et elle est disponible au public au Centre Regard depuis le 12 février dernier. Puis, ce soir, Gentiane, c'est toi qui nous as fait une sélection musicale en allant fouiller dans ta médiathèque. Oui, j'ai sorti un album des Boulamites, donc l'album Love Remains de How to Dress Well, donc c'est le nom d'artiste du musicien Tom Krell, et c'est un album qui date déjà de 2010, et puis il a sorti déjà, bon, 5 autres albums et EP depuis, donc on est vraiment dans une ambiance un peu sombre, hein, en plein cœur du mois de février, assumons-le, ambiance, lo-fi, ça griche et ça nous amène dans des univers un peu sombres, et on va commencer par la pièce Hold the Water, et au retour, je m'entretiens avec Guy Sioui-Durand. There's nothing to really worry about aside from being a little run down. Alors, nous sommes de retour à l'Aérospatiale, Gentiane La France avec vous. Et nous avons avec nous Guy Sioui-Durand, qui est commissaire d'une exposition qui est présentée à la galerie Alexandre Motulski-Falardeau. La galerie AMF, ça peut être. La galerie AMF. Et puis, l'exposition s'appelle Kakakewo. Kakakewo, c'est en langue atikamekw. Ok, puis qu'est-ce que ça veut dire, Guy? Ça veut dire corbeau. Pourquoi avoir choisi le corbeau pour venir englober toute cette exposition-là? Si on regarde, c'est sûr qu'à la radio de l'évoquer, mais l'œuvre qui est, on pourrait dire, l'image d'entrée dans l'exposition, c'est l'œuvre de Héroma Ouachiche, qui est une artiste atikamekw. Et qui, on voit un corbeau se dédoubler avec des bulles de couleurs. Et c'est à partir de cette œuvre-là qu'à la folle proposition que m'a fait Alexandre Motulski-Falardeau de la galerie AMF, que j'ai commencé à rêver l'exposition qui est maintenant en cours. Et je dis une folle proposition, c'est parce que il y a à peine 2 semaines, le gouvernement a annoncé que les musées, les galeries, les centres d'artistes ouvraient, ce qui a envoyé des messages à la fois de joie, mais aussi d'un peu de panique ou d'accélération un peu partout. Oui, un sentiment d'urgence, là. Et Alexandre Motulski-Falardeau avait commencé. On sait qu'on est dans le monde du marché de l'art. Hein? C'est une galerie, une des galeries du marché de l'art à Québec. Et il avait déjà, sur les marchés de Vancouver et de Toronto, acheter plusieurs œuvres d'art autochtone, des peintures, mais aussi des impressions, des gravures, des lithographies, tout ça. Et il avait commencé à les faire encadrer avec son ami qu'on connaît beaucoup, François, à Québec, qui fait les encadrements. Oui, François Simard. Et il avait commencé à placer sur ses murs. Tout à coup, la galerie ouvre et il se retrouve soudainement avec une potentielle de faire une exposition, mais il a besoin d'une vision. Il a besoin de quelqu'un qui connaît ou qui peut toujours rêver une exposition qui ferait du sens, chose d'art autochtone. Alors, il a fait quelques appels un peu partout, puis finalement, ça aboutit, on va appeler Guy Sibourdurand. Alors, j'ai écouté, et à mesure qu'il me parlait, puis qu'il nommait les noms d'artistes, puis les provenances, je me suis dit, oh, il y a là des éléments qui sont peut-être des clés pour entrer et mieux comprendre l'univers, l'imaginaire ensauvagé des Premières Nations. Je suis allé voir et là, j'ai compris qu'il y avait là les grands-pères, grand-mères, et qu'il y avait aussi cette possibilité qu'on fasse un voyage. Un voyage dans un mot qui est un ancien mot Wendat, Kanata, qui est devenu Canada. Donc, voyager d'est en ouest. Je me suis dit, on connaît la devise du Canada, mais on sait que ce sont tous des territoires qu'on peut traverser. Et essentiellement, les œuvres qui étaient présentes permettaient ce possible voyage. Mais mm-hmm. Il manquait une jonction qui s'appelle Québec. Les artistes autochtones en milieu du Québec sont généralement, traversent peu la frontière de la rivière des Outaouais vers l'ouest. Et donc, j'ai dit à Alexandre, et il a dit OK. J'ai dit oui, il y a possibilité d'une exposition si on place aussi des artistes autochtones qui vivent ici, qui créent ici, qui représentent, on sait qu'on a 10 Premières Nations au Québec, j'ai énuméré tout à l'heure. Et j'ai dit, en plus, c'était en territoire Wendat, moi qui est originaire de Wendake. Donc, c'est impensable que ce soit une exposition. Il a dit oui. Donc, ce corbeau-là vient figurer ce voyage d'est en ouest, Guy Sibourdurand. Bien, quand on voit les deux corbeaux se déployer, il faut savoir qu'une des clés de l'exposition, c'est la présence de l'esprit fabuleux des animaux tout partout. Et même, je vais vous donner tantôt le voyage en suivant l'esprit des animaux. Sur la côte ouest, comme partout ici au Québec, il y a des corbeaux partout. Et en pensant aux artistes, Alexandre Motuski-Falardo avait déjà contacté Héroman Ouachiche. Donc, j'ai invité Héroman Ouachiche, Sarah Cléry et Michel Terrulin-Savard de Wendake à se joindre. Donc, la façon dont le corpus s'est élaboré, c'est qu'il y avait déjà un corpus de départ et toi, tu es parti de là et tu es venu ajouter des artistes que tu connaissais. Plus que ça, je les ai réorganisés pour faire le voyage. Donc, d'est en ouest, il faut savoir que nous, les Wendat, on est des Iroquois, donc on est des peuples des maisons longues. Il y a aussi des maisons longues sur la côte ouest. Et on entre généralement dans les maisons longues par la porte de l'est. Donc, j'ai imaginé la galerie Alexandre Motuski-Falardo comme une maison longue et que le voyage partait du fond de l'est pour se rendre vers l'ouest, en traversant toutes les régions. Et les œuvres, telles qu'elles sont organisées dans l'exposition, nous présentent les régions avec des styles, les styles qui marquent. Parce qu'on est entré dans un monde pluriel. Il y a 611 Premières Nations, 613 Premières Nations dans tout le Canada. Au Québec, on en a 10. Et parmi les 10 Premières Nations, si on ajoute les Inuits, ben on a les peuples iroquoiens comme nous, les Wendat et les Kanienkaga dans la région de Tiotsuaga et Montréal. C'est complètement une autre structure culturelle, linguistique, à tous les peuples algonquiens qui sont les Mi'kmaq en Gaspésie, les Wolosto, Guéic, Malécite, à Kakuna, les Wabanaki dans la région de Sorel, les Kanienkaga, j'en ai parlé, dans la région de Montréal, les Atikamekw en Haute-Mauricie, les Anishinaabe algonquins en Abitibi, les Wendat, nous, dans la région autour de la capitale de Québec, les Pequakwamilnuat, les Innu du Grand Lac Saint-Jean, du Grand Lac Pocogami, ensuite les Innu, Naskapi, et Yuichi, l'écrit la côte nord, puis on monte. Donc, on a là des géographies qui se superposent à ce qu'on appelle le Québec. Imaginez l'ensemble de Kanata. Et derrière ça, au fil des années, disons à partir des années 60, va se développer une aventure de l'art autochtone contemporain, moderne, contemporain et maintenant actuel, et par lequel différents styles se sont développés dans les régions. Donc, pour moi, je fais superposer le voyage et la symbolique importante, une ligne de conduite, c'est, il y a un mot qu'on dit souvent en anglais qui s'appelle le trickster. C'est, on peut traduire par un glouton, un faisant mal, un joueur de tour. C'est un personnage mythologique fabuleux qui a influencé et qui influence toujours les littératures, les contes et légendes et aussi les arts visuels. C'est un joueur de tour qui change d'apparence. C'est un personnage fabuleux qui a tous les vices, tous les mauvais tours, toutes les mauvaises idées contre les humains, mais ça se retourne toujours contre lui, ça réhabilite. Donc, on retrouve là, pour les gens qui ont déjà vu des bandes dessinées du Roadrunner, c'est inspiré directement, l'enclume lui tombe toujours sur la tête. Donc, le trickster, c'est celui qui prend en compte toute l'humanité qui veut lui jouer des tours, ça se retourne contre lui, ça réhabilite l'humanité. Donc, il y a quelque chose là qui nous fait entrer dans le monde mythologique, un temps ancien, avec une pensée animiste, holiste, et qui aujourd'hui rejoint cette pensée de préoccupation pour tout ce qui est vivant et les enjeux environnementaux. Donc, le monde esthétique autochtone amène aussi une éthique. Et ça, l'esprit des animaux permettait une des trames. Ce qui fait que sur la côte ouest, le corbeau est généralement le trickster. Dans les prairies, c'est le coyote. Et ici, dans le bouclier canadien et les terres de boisées, c'est souvent le carcajou. Mais des fois, le lièvre. Et quand on va voir les maritimes, le lapin. Donc, il y a des personnages qui sont tout le temps fabuleux. Donc, cette trame de l'esprit fabuleux des animaux traverse toute l'exposition. Cette pensée qui prend en compte l'humanité aussi. Et pour des raisons qui apparaissent aussi dans l'exposition, qui sont d'abord ce respect de celles et ceux qui ont laissé des traces, de ceux qu'on marche dans les pas, dans les territoires autochtones, ce qu'on appelle les aînés, les grands-pères, les grands-mères. Et on les retrouve aussi dans le monde de l'art. Et en même temps, on retrouve aussi ceux qui font les ruptures, qui nous proposent ce qu'on pourrait appeler un art plus actuel. Donc, on retrouve tout ça et on traverse, comme si on suivait l'esprit des fabuleux des animaux, on traverse les régions qui sont aussi des régions des styles. Et par là, on entre dans ce que j'ai appelé les imaginaires ensauvagés, avec aussi une place très importante que ce soit dans les mouvements culturels, que ce soit dans la résilience qui a permis que les cultures autochtones, dans les temps très difficiles de réserve, tout ça, il y a toute une histoire comme telle, puis aujourd'hui qui porte à bout de bras non seulement la résistance, mais aussi qui amène un aspect de guérison par l'art. Donc, j'ai fait une place où il y a un mur, c'est l'hommage aux femmes, avec les grands-mères, puis avec aussi les liens. Donc, on traverse, en suivant les corbeaux d'est en ouest, on traverse des styles dont le ton est donné par les aînés, ce qu'on pourrait appeler les pionniers, les pionnières, puis en plus, il y a un hommage aux femmes. Ça donne à peu près ça. Et faisons le voyage, si tu veux, avec moi. Oui, bien, on va prendre une pause musicale, Guy-Siwi Durand, et au retour, tu nous invites dans ce voyage de multiples traversées au sein de l'exposition Kakakayo. Nous sommes de retour à l'aérospatiale et nous avons toujours avec nous Guy Sioui-Durand pour parler de cette exposition Kakakeo qui est présentée à la galerie Alexandre Motulski-Falardeau. Et avant la pause, Guy, tu nous as expliqué les différentes traversées dans lesquelles tu nous invites dans cette exposition-là, des traversées dans l'art autochtone, mais aussi dans l'esprit des animaux, dans le territoire, des traversées du temps également. Et tu nous as promis de nous en parler un peu plus en détail. Alors, je te lance là-dessus. D'accord. Donc, je vous amène en voyage. Imaginez que Guy est le guide. Je vais vous dire en one tap, je suis très content, mon cœur est bon, puis on s'en va en paix dans l'exposition. Donc, l'exposition commence au fond, on entre dans la galerie Alexandre Motulski et il y a le mur, on retrouve que des œuvres des femmes, Daphné Odjig, qui est une des grands-mères de l'époque des années 60, qui était très importante aux côtés des Norval, Capotant, Thurber, Morisseau, dont je parlerai, des Alex Jonvière et des autres, et qui présentement, c'est pas un hasard, c'est le nouveau centre d'artistes autochtones qui va ouvrir à Montréal, s'appelle Daphné, c'est en son honneur. Et on retrouve l'entourant, les œuvres de Sarah Cléré, qui est une Ilnou du Grand Lac Popocatépetl, et qui nous présente tout de suite le visage d'une cocoum, d'une grand-mère, qui pourrait être chez les Atikamekw, les Eyuichi, les Naskapi, les choses. Elle nous entraîne dans ce monde des femmes, de la résilience qui, dans les temps très difficiles des réserves. Et de l'autre côté, on retrouve le cercle. On retrouve un ours qui a un cœur. On retrouve Iroma Washish, Atikamekw, qui, on le sait, pour moi, une des artistes les plus importantes de l'année 2020 dans l'art autochtone, parce qu'elle a fait la grande murale pour apaiser, guérir avec tout le drame qu'il y a eu avec Josh Issaquan. Donc, sa grande murale est vue de partout à partir du Musée d'art de Joliette. Là où elle était venue dans mon exposition de tabac de fond d'odeur, là, son oreille, vous l'avez déjà fait une murale. Donc, déjà en entrant, on féminise un peu comme les langues le font dans nos cultures, dans la revitalisation des langues. Et on offre aussi une entrée. Et là, on se rend vers le fond de la galerie et on commence dans l'Est. Pourquoi dans l'Est? Quand je parle de l'Est, c'est réunir Ontario et Québec. Oublions l'histoire du Canada, les divisions provinces, ce sont des mots, one that. Donc, ça veut dire de la grande baie salée, la baie James, en passant par les grandes mers intérieures que sont les grands lacs, et arriver dans le grand chemin qui marche, le grand fleuve, qui se rend, s'ouvre en golfe, ramasse la baie des Chaleurs, se jette dans l'océan. On a cette grande zone où c'est le voyage de l'Est qui est marqué par, depuis les années 60, par un style qui est créé par Norval Copper Thunderbird Morisseau, qui est un peintre Anishinaabe Ojibwe, élevé par ses grands-parents chamans, et qui, dans les années 60, après avoir survécu grâce à des cérémonies de médecine traditionnelle, va devenir peintre, et à la stupeur des traditionnalistes et au choc des urbains que sont les Canadiens, va révéler, dans un style extrêmement coloré, avec des gros traits, ce monde chamanique de mythologie où les humains et les animaux se parlent, s'accouplent et deviennent. Donc, Norval Morisseau est au fond, et on trouve autour de lui le style woodland. Entre autres, il y en a une, ce qui va te plaire, toi, la famille. Et tout ça, ce style avec les gros traits colorés nous amène à travers des animaux fabuleux, dont l'aigle, Copper Thunderbird, l'oiseau de tonnerre et de laiton, celui qui transmet, l'ours, et un intrus. On est dans les terres de Boisé où il y a à la fois les confédérations des Haudenosaunee, Iroquoiennes, les Wendat autrefois et jusque dans la ville, mais aussi tout le monde des Anishinaabe algonquins. C'est un clin d'œil que je fais présentement pas à cause du confinement. Beaucoup de Québécois ne pourront pas voir la grande exposition Riopel à la rencontre de la nordicité et des cultures autochtones qui est au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Mais moi, j'ai participé et à la fois au débat sur la présence de Riopel dans nos territoires, mais aussi des sélections des œuvres. J'ai écrit un essai dans le catalogue. Donc, je fais un clin d'œil, j'ai invité Riopel dans les couleurs comme invité parce qu'il est venu dans nos territoires, je l'amène comme invité, donc un bel équilibre et aussi une possibilité aux gens de venir voir, se côtoyer. Dans mon essai, je dis qu'il n'y a jamais eu et possiblement un jour, un musée va présenter une grande exposition Riopel Copper Thunderbird. C'est là, c'est ici. C'est la rencontre. Et on continue et tout de suite, le centre, on pourrait dire, il y a comme une rupture. Dans la vitrine, une grande couverture où c'est peint des virus avec des chapelets. Et aussi une sculpture installation sur une TV avec des cornes de chevreuil. Il y a toute la mythologie de la femme tombée du ciel dans l'installation. Michel Théarulin-Savard de Wendake nous entraîne dans une rupture de l'art contemporain avec tout à côté une œuvre de Carl Beam qui est de l'école de Manitoulin mais qui a introduit un nouveau style dans la poursuite. Et on voit de l'autre côté Sarah Cléry qui a peint le portrait de Zachary Théarulin-Vincent, le tout premier artiste moderne Wanda. Donc, cette rupture et cette continuité nous fait continuer le voyage. On s'en va vers l'ouest. Mais bien entendu, compte tenu de l'organisation de la galerie elle-même et aussi, ce voyage dans l'ouest, on dépasse l'Ottawa, on arrive dans les grandes prairies. Les grandes prairies jusqu'aux montagnes rocheuses, bien, c'est toute la culture des peuples du bison. Que ce soit les Sauteux-Cris, que ce soit les anciens Assiniboines, que ce soit la nation métisse, tout se fédère. Et aussi par les passages des grandes oies cycliques qui traversent tout le continent, tout ça. Et là, on se retrouve sur le mur de côté où on est dans les... Si on regarde comme fou, il y a un bison stylisé qui semble entraîner toutes les œuvres de Harry Backwell dans le style d'Alec Janvière, un autre grand-père. Et c'est tout à fait magnifique de lumière, de légèreté. Et on serait surpris, les bisons. Mais tout à coup, on arrive dans quelque chose de très aérien qui nous amène vers les territoires du Nord-Ouest. Bien entendu, dans cette exposition, nos amis Inuits ne sont pas là, mais ça nous fait traverser et c'est là que je dis, on traverse le mur des femmes et le cercle. Et le fait que Héroma Ouachiche introduit le corbeau, les couleurs tendres, les couleurs vives, des feuilles d'or, bien, ça nous entraîne à traverser les rocheuses. Et là, on se retrouve avec un mouvement, on voit les corbeaux, comme tous tendent vers lune et soleil, et on voit apparaître dans le style très particulier de la côte ouest, qui sont à la base des grands totems pôles avec les clans familiaux d'animaux, mais là, on les retrouve en print et en peinture, en gravure, et on converge vers lune et soleil sous le regard de l'aigle, comme si on avait traversé d'est en ouest par la magie des corbeaux, les cris « quac, quac, quac, quac ». Et quoi, quoi, quoi, quoi, c'est un peuple de l'Ouest. Et soudain, ce qui était notre entrée dans une maison longue iroquoienne nous amène chez les maisons longues de l'Ouest, avec une place, curieusement, quand on se retourne pour se mettre à regarder les œuvres une envers les autres, on voit des préoccupations pour l'environnement. Il y a une paix apaisante parce que les femmes sont honorées. Et il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'imaginaire, et l'essentiel, voilà un fait rare, une galerie qui nous fait entrer dans les rêves, qui nous fait rêver, et quelque part, j'aime à penser, nous ensauvage l'esprit. Et voilà quelque chose qui est à Québec. Qui fait ce lien avec nos artistes ici à travers Sarah, Héroma et Michel, mais aussi nous fait traverser les styles et tous les territoires de Canada. C'est une exposition à ne pas manquer. Guy Sioui Durand, merci de nous avoir raconté cette traversée dans l'exposition Kakakewo. Je ne sais pas si je réussis à finalement bien le prononcer. On est dans l'esprit du corbeau. L'énigme pour tout le monde. Et partout, les corbeaux sont partout au Québec et les corneilles. Comment on les distingue une de l'autre? Vas-y, explique-nous-le. Et oui, donc cette exposition est présentée à la galerie Alexandre Motulski-Falardeau et on a jusqu'à la fin du mois de mars, je crois, pour aller la voir. Guy Sioui Durand, merci beaucoup pour ce grand voyage dans ton exposition.